J'ai tellement besoin de toi. Sans toi, je ne suis plus le même. Je n'ai plus envie de vivre mon deuil. Ne me quitte pas, enfin. J'ai tellement besoin de toi. Sans toi, je ne suis plus le même. Je n'ai plus envie de vivre mon rêve. Je n'ai plus envie de vivre ma vie tout seul. C'est pas facile de t'oublier, c'est pas facile de ne plus t'aimer. C'est plus facile de dire que je t'aime, c'est plus facile d'être à tes côtés. Jamais plus te revoir, et plus entendre ta voix, et plus te serrer dans mes bras. Comme un enfant abandonné, oui, j'ai pleuré d'avoir imaginé de t'oublier, de ne plus t'aimer. Oh mon bébé, comment t'aimer si tu t'en vas si loin de moi. Oh mon bébé, comment t'aimer si tu t'en vas si loin de moi. Un petit mot pour Toulouse. Spécial dédicace, voilà, aux Toulousaines, aux Toulousiens qui apprécient cette vidéo, tranquille.